futureproducers.com. La va vite, trop vite, dans un char, on s'est enfoncé plus vite, tout va vite. Si que le temps perdu auprès de ces meufs qui nous quittent, vite la suite. L'infidélité est telle que loin des yeux, loin du cœur, un amour sans rancœur, une victime qui en peur, la haine nous acclame. Prenez ardeur, ces chaînes nous réclament, prenez peur. Ainsi de suite, je vous le dis que tout va vite et que la vie n'est basée que sur cette histoire de difficile. L'état prend le contrôle et on en subit. On débat un bout, tu connais la suite. Tout va vite, les amis, les ennuis. Tout va vite, les failloux, les ragots. Tout va vite, un jour j'aurai le niveau. Tout va vite. Si reste la rue déconne, mais on s'en fiche. Si reste aura un jour le niveau. Mais aux nouvelles, tu vois quoi, on s'en fiche. Tu vois quoi, on s'en fiche. Stop, quand je débarque, je dis ok, on fait. Si, si. Là, je vois que tu débloques, ok. Si, si. Que tu ne croyais pas me voir là, à ce niveau-là, ok. Si, si. Mec, ne déconne pas, c'est si rêve, tu vois quoi, ok. Si, si. Voir de toutes les couleurs, le père, le printemps, je débarque mon arrivée. 09, on débute, puis je me fais plus petit avec les meufs. Père de temps qu'il te faut oublier le succès de ce côté. J'avance au cœur blessé, tant de pensées à écrire, trop de pensées à oublier. Beaucoup de gens m'ont oublié, mais je vous jure, je ne cesse de m'améliorer. Mon retour va carburer, je vais pouvoir représenter tout. Tout va vite, les amis, les ennuis, tout va vite, les failloux, les ragots, tout va vite, un jour j'aurai le niveau, tout va vite. Tout va vite, un problème est facile à acquérir, plus difficile de s'en séparer. Le regret de ses choix est toujours dur à avouer. Le nier est encore pire, les conneries éclatent par la folie rusée et sournoise du peuple. Le monde va vite comme les aiguilles des secondes qui tournent sans arrêt, comme ce monde qui tourne. Dans ce cas au mondial, la couche de zone a été percée, le changement climatique a été touché. Un jour ce monde va nous lâcher. Tout va vite, les amis, les ennuis. Tout va vite, tout va vite, les failloux, les ragots. Tout va vite, tout va vite, un jour j'aurai le niveau. Tout va vite, tout va vite, ouais, tout va vite, ouais. Regarde l'illicite, les gens de tous les jours et tout ce qui s'ensuit, ouais, tout va vite. Le temps passe vite, le temps passe vite, le temps passe vite. L'essentiel de mon RAP, c'est Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sirez, Drake, Sir